cette nostalgie quand tu t'en vas, ce vide-vide qui m'envahit, la solitude qui trahit, tout le fragile de mon combat, cette révolte mon ami, qui m'accompagne à chaque pas, cette révolte mon pousse au cri, qui jamais ne se calmera. Je suis en toi, je ne pense à rien, c'est tout chez toi, je me sens bien. Je suis l'étranger dans la ville, étrange vie que cette vie-là, celle qui dérange les biens tranquilles, au cimetière de l'au-delà. Je veux ma tombe à côté de ceux qui ont osé mourir pour eux. Enterrez-moi sans larmes aux yeux, jetez ma vie dans un grand feu. Je suis en toi, je ne pense à rien, c'est tout chez toi, je me sens bien. Sans argent te reste le cœur, la pensée fouille à l'intérieur, je ne suis qu'un accord mineur, une note noire sans sa petite sœur. Je suis un piano désaccordé, à chaque accord je me sens blousé. Oh ma petite sœur des épluchures, je veux t'aimer grandeur nature. Je suis en toi, je ne pense à rien, c'est tout chez toi, je me sens bien. Jamais ils ne pourront comprendre, ils sont déjà loin du bonheur. Tu sais, j'ai le temps de t'attendre, puisque j'ai arrêté les heures. Pose ta main là où il faut, provoque en moi cet infini. Je veux t'aimer à fleur de peau, te voyager comme un pays. Je suis en toi, je ne pense à rien, c'est doux chez toi, je me sens bien. Ouverte sur la rue, ton corps me parle avec frisson. Tu me souris et je suis nu. Je me sens tout petit garçon. Je suis maladroit, mes mains te cherchent. Tes yeux devinent mes pensées, que toutes les morales me recherchent. Je veux sans fin te pénétrer. Je suis en toi, je ne pense à rien, c'est doux chez toi, je me sens bien.